matador. Besoin d'évasion. Marseille, on va t'accroître. Fini la police, fini le FN, fini le chômage, fini la misère, fini le métro, fini les contrôles, fini cette routine qui nous fait tourner en rond. Fini les voisins, fini les embrouilles, fini les casse-couilles, fini les patrouilles, fini les conneries, fini le bordel, fini. C'est pour tous les frangins qui rêvent d'évasion. Dans les entretiens d'embauche, on a peu d'arguments. Résultat, l'armurier se fait braquer par l'arme qu'il vend. On sait très bien que les étoiles filantes n'exaucent pas les vœux. Tous les poids se claquent leur salaire dans la française des jeux. J'ai jamais écouté ma conseillère d'orientation. Sinon, je suis sûr qu'à l'heure qu'il est, j'aurais fini ma sonde. Dans les après-midi dans ça, t'as plus de shampoing. Ça veut méchant bolide comme ceux qui jouent la Champions League. Les pompiers tapent 24 sur 24, 7 jours sur 7. Les inspecteurs se prennent pour Kojak quand ça part en sucette. Ceux qui rêvaient d'être footballeurs ont fini au ballon. Les manchots prennent du galon et veulent devenir des bras longs. Les alcooliques au réveil butent sur leur pack de bière. Les toxicos subitex soignent leur mal de tête. Entends le mot liberté mis entre parenthèses. Surveille tes propos, le poids des paroles, des balances pèsent. Fini la police, fini le FN, fini le chômage, fini la misère, fini le métro, fini les contrôles, fini cette routine qui nous fait tourner en rond. Fini les voisins, fini les embrouilles, fini les casse-couilles, fini les patrouilles, fini les conneries, fini le bordel, fini. C'est pour tous les frangins qui rêvent d'évasion. La justice aveugle a besoin de témoins oculaires. On tourne en rond esquivant les cellules rectangulaires. Les étudiants finissent chômeurs ou intérimaires. Plus le temps passe et plus on se dit que c'était mieux à l'ancienne. Face à la mort, l'égalité est le seul critère. Après le décès, Bill Gates sera pas le plus riche de son cimetière. Ma vie est rose comme du PQ, je t'en raconte pas l'usage. À l'heure où le rap se fait baiser par Fatal Bazooka. On veut la caisse, la femme, la belle villa et la piscine. Tellement de billets de 500 qu'on peut en faire une tapisserie. C'est le monde à l'envers, les banquiers font des prêts aux braqueurs. Les fashion victimes sont pleines de wesh et yo ma gueule. Que des injures anti-état taguées au marqueur. Représenter les frères, les sœurs me tiennent trop à cœur. On s'habille en survêtement mais on n'est pas sportif. On fait en sorte d'avoir casquette et baskets assorties. Fini la police, fini le FN, fini le chômage, fini la misère, fini le métro, fini les contrôles, fini cette routine qui nous fait tourner en rond. Fini les voisins, fini les embrouilles, fini les casse-couilles, fini les patrouilles, fini les conneries, fini le bordel, fini. C'est pour tous les frangins qui rêvent d'évasion. Les gros aussi se font péter pour deux ou trois barrettes. Les prix augmentent, y'a pas que Marlboro qui est mal barré. Question amour, j'ai peur de me tromper, c'est le même dilemme. La fille bien devient pute, la pute trouve un petit bien qu'il l'aime. On tient le mur sans qu'il s'écroule comme celui de Berlin. Le matin, ceux qui nous réveillent, c'est des bruits de R1. J'suis comme tout le monde, il me faut l'argent pour payer ma chicha. Dans la jungle, fais pas le Tarzan, c'est qui conquitte la chita. Représenter tête qu'à bosser, qui ne demande qu'à bosser. Tous les handicapés sociaux à la Kaiser Sosé. Certains frères ne savent pas ce qu'est un accent circonflexe. Tous ceux en cage rêvent d'évasion, m'attend prison de break. La liberté a son prix, si chacun a son bif. C'est pour les boules arrondies et ceux qui grattent la conji. C'est le remake.